السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبحمد الله تبارك وتعالى دخلنا قبل أيام في شهر شعبان، وبعده شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا شهر رمضان أجمعين، ويعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. Par la grâce d'Allah سبحانه وتعالى, depuis quelques jours, nous sommes entrés dans le mois de Sha'ban. Et juste après, il y a, inshallah ta'ala, le mois de Ramadan. On invoque donc Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous maintienne en vie et nous permette de jeûner les journées du mois de Ramadan et de prier ces nuits avec foi et espoir. et espoir. Il y a plusieurs hadiths qui nous sont parvenus parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent le mérite du jeûne dans le mois de Sha'ban, qui nous montre le mérite du jeûne dans le mois de Sha'ban. L'imam al-Nasa'i rahimahullahu ta'ala a mentionné dans son recueil de hadith le hadith de Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit dans ce hadith: يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. Ô messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner durant le mois de Sha'ban ce que tu jeûnes durant les autres mois. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a répondu: voici un mois duquel les gens sont distraits entre le mois de Rajab, entre Rajab et Ramadan. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Et c'est un mois durant lequel les actes, les actions sont élevées auprès ou bien vers le Seigneur des mondes. فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. J'aime donc que mes actes, que mes actions, que mes bonnes actions soient élevées à Allah alors que je suis en état de jeûne. Alors que je suis en état de jeûne. Ici, on a deux sagesses du jeûne dans le mois de Sha'ban. Donc le mois de Sha'ban, c'est le mois dans lequel nous nous trouvons. C'est le huitième mois de l'année. C'est le huitième mois de l'année lunaire. Juste après, il y a le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup dans le mois de Sha'ban. Usama, ce noble compagnon radiallahu anhu, lui a dit au messager d'Allah: je te vois jeûner dans le mois de Sha'ban ce que je ne te vois pas jeûner dans un autre mois. C'est-à-dire que tu jeûnes beaucoup dans le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ce mois-ci, le mois de Sha'ban, c'est un mois duquel les gens sont distraits. Pourquoi? Parce qu'il se trouve entre deux mois dont l'importance est connue. Le premier, c'est le mois de Rajab. Le deuxième, c'est le mois de Ramadan. Mais entre les deux, il y a le mois de Sha'ban. Alors les gens sont distraits. Et l'adoration, dans une période où, dans laquelle les gens sont distraits, ça a plus de valeur chez Allah. L'adoration en temps de trouble, par exemple, ça a plus de valeur chez Allah. La prière dans la nuit, ça a plus de valeur chez Allah que la prière recommandée en journée, par exemple. Et ainsi de suite. La deuxième sagesse, dans le mois de Sha'ban, les œuvres sont présentées à Allah, ou bien elles remontent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: فَأُحِبُّ أَيُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. J'aime donc que mes actes remontent vers Allah alors que je suis en état de jeûne. Alors que je suis en état de jeûne. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a cité plusieurs sagesses à tirer du jeûne du prophète alayhi salat wa salam dans le mois de Sha'ban. Il a mentionné donc ce qu'on a déjà cité ici, que les gens sont distraits, car Rajab, c'est un mois dont les gens connaissent l'importance, c'est un mois sacré. Plus loin, il y a Ramadan, tout le monde connaît son importance, mais entre les deux, il y a Sha'ban. Donc les gens sont distraits. De cela, on tire le mérite de remplir les moments d'insouciance, les moments dans lesquels les gens sont insouciants ou distraits, on va dire, d'adoration. D'adoration. Allah Azza wa Jal aime te voir, toi, dans l'adoration, dans un moment où les gens sont distraits ou insouciants. Ceci est recommandé. Il nous est parvenu également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait la plupart du mois de Sha'ban. Il nous est parvenu que le prophète alayhi salat wa sallam jeûnait la plupart du mois de Sha'ban. Naam. Jusqu'à ce qu'il fût dit qu'il le jeûnait entièrement. Mais on a des hadiths qui nous montrent qu'il n'a jamais jeûné un mois entièrement sauf Ramadan. Donc entièrement, c'est-à-dire la plupart. Entièrement, c'est-à-dire la plupart. Donc ceci est recommandé. On a également des textes qui nous disent La taqaddamu Ramadan bi siyami yawmin aw yawmayn. Ne précédez pas le jeûne du mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou deux. C'est-à-dire ne jeûnez pas la veille de Ramadan ni deux jours avant. Sauf pour celui qui a un jeûne habituel qu'il le fasse. Par exemple, la personne a l'habitude de jeûner le lundi. Na'am. Et Ramadan tombe le mercredi. Lui, il a le droit de jeûner ce lundi-là parce qu'il n'a pas visé la fin de Sha'ban, mais il a visé son jeûne habituel. Lui, il peut le jeûner. Lui, il peut le jeûner. Tout cela pour dire qu'il est fortement recommandé de jeûner autant que possible dans le mois de Sha'ban. Puis sachez qu'il y a un hadith qui dit d'antasafa Sha'ban fala tasoum. Lorsque vous arrivez à la moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez pas. Et ce hadith a été rendu faible par certains savants. Ce hadith a été rendu faible par certains savants. Si mes souvenirs sont bons, parmi eux, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala par exemple. Et certains l'ont retenu. Mais on dit que ça n'était pas une interdiction formelle, mais plutôt que c'était déconseillé. Et le sens est que c'est déconseillé pour celui qui n'a pas jeûné du tout dans le mois de Sha'ban de commencer à la moitié du mois de Sha'ban. C'est-à-dire celui qui n'a pas du tout jeûné du 1er au 15 ou du 1er au 14, na'am, alors qu'il ne jeûne pas simplement la deuxième moitié. Il ne jeûne pas que la deuxième moitié. Ça, c'est un des sens qui a été mentionné par certains savants. Sinon, d'autres ont dit que le hadith n'est pas authentique. Que le hadith n'est pas authentique. Ceci étant dit, on se rappelle, afin qu'on ne soit pas distrait dans le mois de Sha'ban, on revient à notre cours, l'étude de la Sirah. L'étude de la biographie, et pas n'importe quelle biographie. L'étude de la biographie du meilleur prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam. L'étude de la biographie de la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'étude de la biographie de Khalilur Rahman, wa Kalimuhu, wa Habibuhu, wa Sayyidi, waladi Adami Ajma'i. C'est la sirah, la biographie du bien-aimé d'Allah, de celui qu'il a aimé au plus haut niveau de l'amour, Al-Khullah, de la meilleure créature d'Allah, du meilleur prophète et messager, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et par la grâce d'Allah, azza wa jal, nous entrons aujourd'hui dans Ghazwat Tabuk, l'expédition de Tabuk. Cette Ghazwa a plusieurs particularités. Mais une des plus particulières, c'est que c'est la dernière expédition à laquelle participera le prophète alayhi salatu wassalam dans sa vie. La dernière expédition à laquelle participera le prophète alayhi salatu wassalam dans sa vie, Ghazwatu Tabuk. Ghazwatu Tabuk. Et cette qissa a été mentionnée dans le Coran, dans Sourate At-Tawbah. Elle a été mentionnée dans la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam également. Elle a plusieurs noms. Premièrement, Ghazwatu Tabuk, la bataille ou plutôt l'expédition de Tabuk. Tabuk était entre les mains de Ar-Rum, entre les mains des Romains. وَهِيَ تَقَعْ شَمَالُ الْحِجَاز. Et c'est loin de l'Madina. C'est loin de l'Madina, près de 900 kilomètres. Et la base de cette appellation Tabou, donc c'est l'endroit, et c'est aussi un point d'eau qu'il y avait, qui s'appelait Tabou. Il fut dit que c'est un point d'eau qui s'appelait Tabou. Et dans le recueil de l'imam muslim, il y a le hadith de Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sata'touna ghadan insha'Allah ayna Tabuk. Vous vous rendrez demain, si Allah le veut, ayna Tabuk, à la source d'eau de Tabuk. Donc ça, c'est la base de l'appellation de Tabuk. C'est le nom de l'endroit et c'est le nom d'un coin d'eau également. Le deuxième nom, c'est Ghazwatul Usra. Ghazwatul Usra. Al-Usr, c'est la difficulté. C'est l'expédition de la difficulté. C'était très très difficile. Il y a eu plusieurs points qui ont fait que cette expédition fut très très difficile. Et l'imam al-Bukhari a intitulé un de ses chapitres Bab Ghazwatu Tabuk, ou bien Ghazwati Tabuk, wa hiya Ghazwatul Usra. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit le chapitre de l'expédition de Tabuk et c'est l'expédition de la difficulté, al-Usra. C'est une de ses appellations. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, nous avons le hadith de Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu. Il dit: Arsalani ashabi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam as'aluhu al-humlan lahum idh hum ma'ahu fi jaysh al-usra wa hiya ghazwat Tabuk. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu nous dit: mes compagnons, c'est-à-dire les gens de sa tribu et autres du Yémen, m'ont demandé d'aller demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam al-humlan, c'est-à-dire qu'il leur trouve des montures ou des gens qui pourront les porter pour l'accompagner dans cette expédition. Alors qu'il était avec eux dans... Il a dit Jaysh al-Usra, alors qu'il est avec eux dans l'armée de Al-Usra, et c'est l'expédition de Tabuk. Donc Abu Musa al-Ash'ari a mentionné ces appellations: Jaysh al-Usra, Ghazwatu Tabuk. Dans un autre hadith également rapporté par l'imam al-Bukhari, il y a le hadith de Ya'la ibn Umayya radiallahu anhu. Il dit: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ. J'ai participé à l'expédition en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'expédition de la, ou bien dans l'armée de la difficulté. Puis il dit: وكان من أوثق أعمالي في نفسي. Et il dit, c'est une des actions les plus grandes pour moi. Yani le fait d'avoir participé à cette expédition, pour lui, c'est une de ses meilleures hasanas qu'il espère, dont il espère la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. On a compris la cause de l'appellation de Razwat ou Tabouk. Tabouk, c'est le nom du nom ou bien du point d'eau. Pourquoi ça a été appelé Al-Usra, l'expédition de la difficulté? Parce qu'il y a eu une grande chaleur. Deuxièmement, peu de provisions. Très peu d'eau, très peu de montures. Très peu d'eau, très peu de montures, très peu de provisions et une chaleur extrême et intense. Une chaleur extrême et intense. C'était tellement difficile que par moments, il prenait les noyaux de date, il buvait de l'eau de par-dessus et il suçait le noyau. Subhanallah. Tellement il n'avait rien. Tellement il n'avait rien, il manquait de provisions, qu'il prenait le noyau de la date. Il buvait de l'eau par-dessus et il suçait le noyau. Tellement ils avaient peu de provisions, qu'ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam la permission de sacrifier certaines de leurs montures qui les portaient. Naam. Puis ils prenaient les mamelles de la bête, de la chamelle par exemple, et ils pressaient en espérant faire sortir un peu de liquide, de lait ou de liquide. Subhanallah. Donc réellement c'était une expédition très très difficile. Ajoutez à cela qu'il y avait une grande sécheresse. Il y avait une grande sécheresse, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu emporter beaucoup de provisions. Car lorsqu'il y a la sécheresse, la terre sort peu de choses. Allah nous dit dans le Coran et nous montre cette difficulté lorsqu'il nous dit « لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ » Allah, certes, accordé son pardon aux repentirs, aux prophètes, aux muhajirin, aux habitants de la Mecque, qui ont fait l'égir, aux ansar, ceux qui ont accueilli le prophète, alayhi salatu wassalam, les habitants de Médine, et ceux qui l'ont suivi dans l'heure de la difficulté. Naam. Et comme on l'a mentionné dans le recueil d'Imam Muslim, ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam la permission de sacrifier leur monture. Tout cela nous montre quoi? La grande difficulté. La grande difficulté. Mais Omar ibn al-Khattab a conseillé le prophète alayhi salatu wassalam et lui a donné son avis. Et il lui a dit, ne leur permets pas trop cela au messager d'Allah. Sinon ils n'auront plus rien pour les porter. Si on se met à sacrifier les montures, naam, lorsqu'on voit dans les hadiths, al-dhahr, le dos, ça veut dire la monture elle-même. Naam, dans certains hadiths, ça veut dire la monture elle-même. Puis il lui a dit, mais ô messager d'Allah, le mieux, demande à chacun d'apporter ce qu'il a et invoque Allah afin qu'il bénisse leurs provisions. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il bénisse leurs provisions. Dans une autre version, c'est Abu Bakr et non Omar radiallahu anhu qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cela. Il dit qu'ils sont sortis, donc lui ou bien Omar, ils sont sortis donc pour Tabouk dans un moment de chaleur intense. Et ils se sont arrêtés dans certains endroits et étaient assoiffés. Ils étaient assoiffés. À un point tel que l'un d'entre eux sortait pour chercher de l'eau et à son retour il pensait que sa gorge allait se déchirer, allait se couper, allait de par la sécheresse et de par la chaleur. Donc tout cela nous montre la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a donc demandé au prophète alayhi salatu wa sallam d'invoquer en leur faveur, car Allah l'a habitué à lui répondre, à l'exaucer. Puis il lui a dit, وَتُحِبُّ ذَلِكَ, est-ce que tu aimerais cela? Il lui a dit oui. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a fait dua, il a levé ses mains et il ne les a pas redescendues, si ce n'est après que la pluie soit tombée, bi'idhnillahi azza wa jal. Ça c'est le premier point, les appellations de cette razwa, razwatu Tabuk, razwatul Usra, et l'explication de ces deux appellations. Après avoir vu ce premier point, les appellations, passons au second point, tarikhu hadhihi al-ghazwa. Quelle est la date de cette expédition? Elle a eu lieu en l'an 9 après l'Hégire. Elle a eu lieu en l'an 9 après l'Hégire. Dans le mois de Rajab. Dans le mois de Rajab. Donc, le septième mois de l'année lunaire. Et cela a eu lieu 6 mois après son retour. Naam, cela a eu lieu 6 mois après son retour. C'est-à-dire du Hisar, de Ta'if et de tout ce qu'on a mentionné dans les cours passés. Environ 6 mois après son retour. Quant au jour, c'était un jeudi. Et dans le hadith, on nous dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait voyager le jeudi. Aimait sortir pour ses expéditions le jeudi. Comme dans le hadith de Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu. L'habitude du prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il sortait pour une expédition, kana yuwarri, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait d'un endroit ou d'une direction, par exemple, il parlait du nord. Et il posait des questions sur le nord. Pour que les gens pensent et que ses ennemis pensent qu'il va se diriger vers le nord. Et au moment de partir, il partait vers le sud, ou vers l'est, ou vers l'ouest. Donc ça, c'était son habitude. Mais pour cette expédition, l'expédition de Tabou, qui était tellement difficile et tellement loin, il les a avertis afin qu'ils se préparent. Il les a avertis et leur a mentionné clairement qu'ils visaient Tabouk. فَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا. Il les a informés de la direction qu'ils voulaient emprunter. Le troisième point, سَبَبُ هَذِي الْغَزْوَى. Quelle est la cause de cette expédition? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a décidé de partir à Tabouk? Plusieurs paroles ont été mentionnées, comme se venger du décès de Ja'far ibn Abi Talib lors de la bataille de Mu'ta. Naam. Comme les complots qui étaient organisés et autres. Ibn Kathir a dit que tout cela était fait. Mais que la vie authentique ou prépondérant est فَعَزَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِتَالِ الرُّومِ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ لِقُرْبِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été déterminé à se diriger pour combattre Ar-Rum, car ce sont les gens les plus proches de lui et les plus en droit à son prêche, à être appelé à la vérité. Pourquoi? Parce que c'était les plus proches géographiquement de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans surat At-Tawbah lui dit de commencer par les plus proches. Nous avions mentionné que cette expédition a lieu suite à une année de sécheresse ou à un moment de sécheresse, de grands besoins, dans une grande chaleur et autres. Et cela a porté, ou cela a amené à une grande épreuve. C'est le peu de provisions pour ce voyage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatha ala infaq. Il a encouragé les compagnons à dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a encouragés à dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a remporté cette concurrence et cette course au haut degré de par ses dépenses, c'est Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Celui qui s'est distingué fut Uthman ibn Affan Dhunurrayn. Uthman ibn Affan, qui est surnommé l'âme aux deux lumières. Donc Uthman ibn Affan radiallahu anhu a énormément dépensé pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fut celui qui a le plus donné ce jour-ci. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, dans le passage sur les mérites, les qualités, et particulièrement sur Manaqib Uthman, les qualités de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة. Celui qui alimente, yani qui donne, qui arme l'armée de l'usra, obtiendra le paradis. فجهزه عثمان. عثمان a lui seul, نعم, si on traduit littéralement, l'a préparé. Il a donné ce qui allait être nécessaire pour un bon nombre de personnes. Mais en réalité, ils se sont concurrencés. Parmi eux, il y a Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf. Radiallahu anhu. Aussi, concernant Uthman, Abu Abdurrahman al-Sulami, rahimahullah, rapporte que Uthman a dit le jour où les injustes, ou bien les bourras, ceux qui sont venus pour l'assassiner et l'agresser, transgresser dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam, et l'opprimer, lui et les croyants, ani yawma muhasarati, le jour où ils lui ont fait un, yani ils l'ont, comment est-ce qu'on va dire en français, peut-être un embargo, à la kulli hal, ils l'ont mis en quarantaine, ils l'ont empêché, ils l'ont mis en en résidence surveillée, et ils l'ont empêché de sortir pour à la fin l'assassiner. Wallahu musta'an. Ces jours-ci qu'on appelle ayyam ud-dar. Uthman ibn Affan leur a dit: alastum ta'lamun أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة ومن جهز العسرة فله الجنة فجهزته. Ne savez-vous pas que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui apprête, qui prépare l'armée de la difficulté obtiendra le paradis, et je l'ai donc préparé. Ils ont reconnu ça. Donc ça fait partie de ses grandes qualités. Radiallahu anhu. Il y a également la parole de Thumama ibn Hazm, lorsque Uthman radiallahu anhu a dit: Anshudukum Allah bil Islam, hal ta'alamun anni jahastu jaysh al-usra min mali? Qal wallahumma na'am. Je vous demande par Allah, yani je vous appelle au nom d'Allah par l'islam, ou je ne sais, yani vous reviendra à la traduction. Est-ce que vous savez que j'ai apprêté, que j'ai préparé, que j'ai dépensé pour armer l'armée de Al-Usra de mon argent personnel? Et ils ont dit oui. Yani ils ont acquiescé de cela. Ils ont témoigné de cela. C'est rapporté par l'imam Tirmidhi sur Al-Albani, il nous dit que ce hadith est authentique. Combien Uthman radiallahu anhu a dépensé de ses biens personnels? Il a dépensé 1000 dinars. Il a dépensé 1000 dinars. Quand il est venu les déposer auprès du prophète alayhi salatu wassalam, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui. Wa yuqallibuha, il les prenait, il les tournait, il les prenait. Et il disait, ma darra ibn Affan ma amila ba'd al-yawm. Plus rien ne nuira à Ibn Affan après ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est-à-dire, plus rien ne touchera Uthman après ce qu'il a fait. C'est-à-dire, cette action, elle est immense, elle est très grande. Radiallahu anhu. Et le prophète sallam a répété cela plusieurs fois. Et c'est rapporté également par At-Tirmidhi, Charles-Abbani dit que c'est un hadith Hassan. Également, Abdurrahman ibn Auf a dépensé beaucoup. Il fut dit qu'il a dépensé. Et lorsqu'on lui a dit qu'est-ce qu'il te reste, il a dit la même chose. C'est-à-dire qu'il a réuni toutes ses richesses et il a donné la moitié. Subhanallah. Il a donné la moitié. C'est donc devenu un moment de concurrence entre sahaba. Certains n'avaient rien ou ils avaient très peu. Savez-vous ce qu'ils ont fait? L'un d'entre eux est venu avec un sa'. Un sa'. C'est comme si on remplissait takriban un sac. C'est quatre prises. Un sac, tu mets tes mains, tu joins tes mains, et tu prends une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ce qu'il a pu apporter pour aider, c'était ça. Un sac. Il apportait cela. Un autre un peu plus, un autre un peu moins. Et chacun donnait ce qu'il pouvait. Chacun donnait ce qu'il pouvait. Il fut dit qu'Othman a donné énormément de montures. Tout apprêté, il y avait tout ce qu'il fallait. Les rênes et autres. Radiallahu anhu. Quel fut le comportement des hypocrites? Lorsque ceux qui ont donné beaucoup ont donné cela pour se rapprocher d'Allah, ils ont dit, hada murai. Ils ont dit, voici un ostentateur. Il fait ça pour qu'on le voit, pour qu'on fasse ses éloges. Et lorsque la personne qui a donné peu, selon sa capacité, ils ont dit, Allah ghaniyun an had. Ils ont dit, Allah n'a pas besoin de ça. Yani, ramène un tout petit peu. Yani, Allah n'a pas besoin de ça. Subhanallah. Yani, le munafiq, son but, c'est de semer la discorde. C'est d'affaiblir l'islam et les musulmans. Naam, c'est de semer le trouble dans le cœur et de tirer les faibles et de nuire aux croyants vertueux et véridiques. Donc chacun apportait ce qu'il pouvait. Celui qui apportait beaucoup, il disait, voici une personne qui recherche les éloges, qui fait cela pour qu'on le voit. Et celui qui donnait peu, il disait, Allah n'a pas besoin de cela. Dans le Bukhari Muslim, selon Abu Mas'ud radiallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné As-Sadaqa, les gens sont venus et ont apporté ce qu'ils ont pu. Abu Aqil est venu avec Nisfusa. Nisfusa, ça veut dire deux prises. Tu joins tes mains, tu prends une première fois et tu reprends une deuxième fois ainsi. Ça, c'est la moitié d'un sa. Abu Aqil radiallahu anhu a donc apporté cela. Faja insan bi akthar. Un autre homme est venu et a donné plus. Faqala al munafiqun. Les hypocrites ont donc dit, inna Allah la ghaniyun an sadaqati hadha. Certes, Allah n'a pas besoin, est riche d'eux dans le sens, n'a pas besoin de l'aumône d'un tel. Wa ma fa'ala hadha al akhar illa riya'an. Quant à l'autre qui a donné plus, il n'a fait cela que par ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés dans le Coran, dans Surat al-Tawbah. Lisez à partir du verset 37, takriban à peu près. Et celui-ci, c'est le 79. فَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leur faible moyen, c'est-à-dire à donner, et ils se moquent alors d'eux. Qu'Allah les raille, ils se moquent également d'eux et ils auront un châtiment douloureux. et ils ont un châtiment douloureux. Donc voici l'habitude des hypocrites et le khudlan des hypocrites et le mauvais comportement des hypocrites à l'égard des croyants. Dans le recueil de l'imam Muslim, on a la mention du nom de celui qui a donné un sa, de celui qui a donné en sadaqa, en aumône un sa, Abu Khaythama. Et son nom reviendra Abu Khaythama al-Ansari radiallahu anhu. Et son nom reviendra Inch'Allah. Donc les compagnons se sont préparés. Ceux qui ont trouvé une monture, ceux qui ont trouvé un cheval, ceux qui ont trouvé un chameau, et ainsi de suite. Plus les provisions, eau, dattes et certaines nourritures. C'est alors qu'il y a un groupe de compagnons qu'on surnomme Al-Bakkaoun. Al-Bukha, c'est les pleurs. Al-Bakkaoun, ceux qui ont pleuré. Allahu Akbar. Qui sont ces gens-là, Al-Bakkaoun? Qui sont ces gens-là, Al-Bakkaoun, parmi les Sahaba, Al-Kiram, radiallahu anhum? Ils sont venus voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas de monture. Et ils lui ont dit, ô messager d'Allah, trouve-nous une monture pour qu'on t'accompagne dans cette expédition, pour qu'on sorte avec toi dans cette expédition. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, à ces gens-là, radiallahu anhu, il ne leur a pas trouvé de monture. Il ne leur a pas trouvé de monture. Que s'est-il passé? فَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا. Que s'est-il passé? Ils n'ont pas pu partir avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, lorsqu'ils ont avancé, ils se sont tournés et leurs larmes ont coulé. Ils ont pleuré parce que le prophète ne leur a pas trouvé de monture afin qu'ils puissent accompagner le prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette expédition des plus périlleuses. Alors, ils ont pleuré par amour du bien, par amour de l'accompagnement du prophète, alayhi salatu wassalam, et de s'unir avec les croyants dans ces nobles actions. Certains savants ont dit qu'ils étaient environ 7, d'autres ont ajouté. Il y avait parmi eux Salim. Il y avait parmi eux Salim. Il y avait Ulba. Il y avait Abu Layla. Il y avait Amr ibn Anama. Il y avait Salamat ibn Sakhr. Il y avait Al-Irbad ibn Sariya. Dans d'autres versions, il y avait Abdullah ibn Mughaffal et Ma'qil ibn Yassar. Abdullah ibn Mughaffal et Ma'qil ibn Yassar. Et dans le tafsir, l'imam Tabari a développé cela. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah At-Tawbah, plus loin, nous dit Tabaraka wa ta'ala, laysa 'ala al-du'afa'i wa la 'ala al-mardha wa la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha ma nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser. S'ils sont sincères envers Allah et son messager, pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Non plus, c'est-à-dire pas de reproche, non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture, et à qui tu dis, je ne trouve pas de monture pour vous. Ils retournèrent les yeux débordants de larmes. Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Allah Azza wa Jal nous a décrit leur situation à ces sahabas, qui sont sincères, qui sont véridiques et qui ont l'amour d'Allah Azza wa Jalla et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est dans Sourate At-Tawbah à partir du verset 91. Les compagnons de Abu Moussa al-Ash'ari, al-Ash'ariyoun, les habitants du Yémen, sont venus avec Abu Moussa embrasser l'islam, ont envoyé Abu Moussa radiallahu anhu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de leur trouver des montures pour qu'il puisse l'accompagner. Mais il trouva le prophète alayhi salatu wa sallam dans un moment de colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La wallah, non par Allah, il n'a pas de monture. « Wa ma indi ma hamilukum alayhi » Il a refusé, il a dit « Je n'ai rien pour vous, c'est-à-dire je n'ai pas de monture. Je n'ai pas de monture à vous proposer. » Alors, il est revenu attristé, Abu Moussa. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam lui envoya par la suite Bilal. Il a envoyé Bilal trouver Abu Moussa radiallahu anhum et il lui a donné 6 montures. Et dans une autre version, 5. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Parmi ceux qui n'ont pas pu participer à cette expédition, il y a Ahlul A'dhar. Il y a les gens qui sont excusés, comme Al-Kabir, comme l'handicapé, comme la personne âgée, comme celui qui n'avait pas de provision, n'avait pas de monture, n'a pas pu voyager avec le prophète alayhi salatu wa salam. Dans le recueil al-Bukhari, Anas ibn Malik nous montre que le prophète alayhi salatu wa salam a pensé à eux et qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé une part et une place, car ils ont été empêchés que par une excuse. Alors qu'ils étaient sur le chemin du retour vers le Médina, le prophète alayhi salatu wa salam leur a dit « Inna bil Médina aqwaman masirtum masira wa laqata'tum wadiya illa kanu ma'akum qalu ya Rasulallah wa hum bil Médina qala wa hum bil Médina habasahumul uzr » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a à Médine des gens, vous ne traversez pas un chemin, vous n'avancez pas un chemin ou bien une distance, vous ne passez pas une distance ni traversez une vallée sans qu'il ne soit avec vous. Alors les compagnons ont dit au messager d'Allah, alors qu'ils sont à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam a dit alors qu'ils sont à Médine. Et ils ont été empêchés par une excuse. Ils ont eu un empêchement. Ils ont des excuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux croyants de tous venir, tous ceux qui ont la capacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cela dans le Coran. Toujours dans Sourate At-Tawbah. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار الآيات. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsque l'on vous a dit élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes apesanti sur la terre, vous êtes lourd, comme lourd, alourdi, vous n'arrivez pas à avancer, apesanti sur la terre, la vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparées à l'au-delà. Parmi ceux qui n'ont pas participé à cette expédition et qui ont désobéi à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a à leur tête les munafiqoun wa ba'd al-a'rab. À leur tête, il y a les hypocrites. Puis certains parmi les habitants des campagnes, les bédouins. Puis après cela, un très faible nombre parmi les compagnons véridiques. Puis, un très faible nombre parmi les compagnons véridiques. Parmi eux, Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, qui est un des nobles compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a participé à toutes les batailles, excepté la bataille de Badr. Mais la bataille de Badr n'était pas une obligation, parce qu'à la base, le prophète, alayhi salatu wassalam, est parti pour une caravane. La caravane d'Abu Sufyan, radiallahu anhu. Pas pour le combat. Mais Allah Azza wa Jalla a décrété qu'il en soit ainsi. Et la ghazwa de Tabouk fut la seule bataille à laquelle il ne participa pas. Il nous dit « Ahzanani anni lam ara illa rajulan marmousan bin nifaq » Ka'b ibn Malik nous dit « Quand j'étais à Medina, m'a attristé le fait de ne voir que des hommes suspectés ou bien accusés d'hypocrisie. » Naam, donc la majeure partie de ceux qui ont fait défaut à cela sont al-munafiqun, les hypocrites. Aw rajulan mimman 'adarahu Allah min adh-du'afa, ou bien une personne qu'Allah a excusée parmi les faibles. Quelle fut la position des hypocrites dans tout cela? Comme à leur habitude, la trahison, le fait de décourager les compagnons d'aller avec le prophète alayhi salatu wassalam, les mauvais comportements et les mauvaises paroles. Toujours dans Surat At-Tawba, le verset 81, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Fariha al-mukhallafuna bimaq'adihim khilaf rasulillah wa karihu an yujahidu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil harr قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran que ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala blâme ces gens. Na'am, blâme ces gens-là. Quelle fut leur parole pour tenter de décourager les compagnons? Ils leur ont dit: il fait trop chaud. Ne partez pas dans cette expédition alors qu'il y a cette chaleur. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, sur la traduction des sens de ce verset, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur. S'ils comprenaient. Le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'ils comprenaient. Et ça, c'est une phrase, une parole qu'on doit reprendre dans chaque situation. Naam. Celui qui dit: je jeûne pas parce qu'il fait trop chaud, on lui dit: le feu de l'enfer est plus ardent, s'il comprenait. La femme qui dit: je ne porte pas le hijab parce qu'il fait trop chaud, on lui dit: le feu de l'enfer est plus ardent si seulement elle comprenait. Naam. Celui qui dit: je vais pas au hajj parce qu'il fait trop chaud, on lui dit: le feu de l'enfer est plus ardent si seulement il comprend. Celui qui dit: je vais pas visiter mes parents parce qu'il fait trop chaud, on lui dit: le feu de l'enfer est plus ardent s'il savait. Celui qui dit: je vole, je trahis et je vends de la drogue au lieu de travailler parce qu'il fait trop chaud, on lui dit: le feu de l'enfer est plus ardent si seulement il savait. Donc ça, c'est une exhortation et c'est une menace. Naam, qui est dans cette situation, mais on l'apprend de manière plus générale pour avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lui désobéir. Et, naam, de lui désobéir. Donc les hypocrites n'ont pas, yani, ils ont prétexté de fausses excuses pour ne pas aller dans cette expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Chacun venait et disait: oh messager d'Allah, j'ai telle excuse, oh messager d'Allah, j'ai tel problème. Et le prophète alayhi salatu wassalam acceptait leur apparence, ceux qui étaient apparents et leurs paroles apparentes, et il abandonnait leur intérieur et leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Il abandonnait leur intérieur et leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. En islam, Le jugement a lieu sur la chose apparente. Et ça n'est que dans l'au-delà que la personne sera également jugée sur l'intérieur et que le contenu sera dévoilé. Yawma tubla as-sara'ir. Naam, les choses cachées seront dévoilées. Wa husila ma fi as-sudur. Le contenu des poitrines sera dévoilé. Naam, si la personne avait une mauvaise croyance, si la personne était hypocrite, tout cela sera dévoilé yawm al-qiyamah. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans surat At-Tawbah, concernant cet événement et la permission qui leur a été accordée, عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ. Ou avant ça, لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, il t'aurait suivi. Ces gens-là qui ne t'ont pas accompagné, si ça avait été proche et qu'il y aurait eu matière à obtenir des choses facilement, il t'aurait suivi. Mais la distance leur parut longue. Et ils jureront par Allah. Allah informe le Prophète qu'ils vont jurer par Allah. Ils vont dire Wallah, Wallah, et sortir des excuses. Et proférer des excuses mensongères. Si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Ils se perdent eux-mêmes, et Allah sait bien qu'ils mentent. Allahu Akbar. Ils viennent mentir à la créature, et le Créateur les dévoile dans le Coran. Allah Musta'an. Qu'Allah te pardonne, pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Et Allah Azza wa Jal mentionne au prophète alayhi salatu wassalam que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, ils ne lui demandent pas la permission, ne viennent pas avec de fausses excuses pour ne pas participer à cette expédition avec lui. Mais Allah Azza wa Jal dévoile les hypocrites et dit ils ont les cœurs remplis de doutes. Et ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. S'ils avaient voulu partir avec toi, ils lui auraient fait des préparatifs. Ils se seraient préparés. Mais leur départ répugna Allah. Il les a rendus paresseux. Il les a alourdis sur la terre. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils sont devenus paresseux. Ils n'arrivent pas à avancer. Et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Le croyant doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on l'invite, et quand on lui ordonne une action, quand il se voit lourd, il doit avoir peur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala et détester son avancée vers le bien. Ici, Allah Azza wa Jal nous montre que ces hypocrites, Allah Azza wa Jal le répugna leur sortie avec le prophète sallam et les croyants. Donc si nous on n'arrive pas à faire un bien, si nous on n'arrive pas à avancer vers le bien, on doit avoir peur d'avoir été touché par cela. فَثَبَّقَهُ. De ce verset, il y a l'affirmation de sifatut tathbiq. C'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit avoir peur d'être concerné par cela lorsqu'on se voit lourd devant une adoration. Il y a siyam, c'est lourd pour nous, on n'arrive pas à jeûner. Il y a la prière, c'est lourd pour nous, on n'arrive pas à prier. Il y a le masjid, on n'arrive pas à aller au masjid. Il y a l'umra, il y a le hajj, il y a le sadaqa, il y a le nafaqa. Le fait de dépenser, on n'arrive pas, c'est lourd. On doit avoir peur d'être touché par cela. On doit avoir peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait détesté nous voir dans ce bien-là. Il n'a pas aimé pour nous ce bien-là. Naam, on doit avoir peur d'être touché et d'être concerné par cela. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs. Il ne faut pas être triste lorsque les gens du mal ne sont pas associés à nous dans le bien. Parce que leur présence, les hypocrites et ceux qui trahissent les gens du haq, leur présence dans les rangs des croyants ne fait qu'ajouter le mal et ne fait que faiblir leur groupe. Nous, on ne compte pas sur le nombre. On compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. On compte sur Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voici leurs activités comme à leur habitude, le fait de jeter la dissension dans les rangs des croyants et le fait de semer le trouble et de tenter de les diviser. Allah Azza wa Jalla nous dit également: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Parmi eux, il en a qui dit: donne-moi la permission, c'est-à-dire de rester, et ne me mets pas en tentation. Or, c'est dans la tentation qu'ils sont bien tombés. Ils viennent voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et ils demandent la permission de rester pour ne pas tomber. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'en réalité, ils sont tombés par ces agissements-là. Il fut dit que ce verset a été révélé au sujet d'un des hypocrites qui s'appelle Al-Jaddu ibn Qais. Al-Jaddu ibn Qais, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: sache qu'il n'y a pas une personne qui est plus tentée par les femmes que moi. Il n'y a pas une personne qui est plus tentée par les femmes que moi. Et j'ai peur qu'en allant chez Ar-Rum, Naam, à Tabouk, je sois tenté par les filles de Bani Asfar. Naam, il a prétexté cela. Donc en gros, j'ai peur de la fitna. Et on lui dit: mais en réalité, c'est dans cette yani, c'est ça la fitna, ce dans quoi il est tombé. Il fut dit que c'est la cause de la révélation. Les gens de l'hypocrisie ne sont pas contentés de faire cela. Avant le départ pour Tabouk, ils ont construit une mosquée. Avant le départ pour Tabouk, ils ont construit, Naam, une mosquée. Qu'on surnomme Masjidou Dirar. Naam, qu'on surnomme Masjidou Dirar. Juste avant la razoua de Tabouk, ils ont construit cette mosquée. Pourquoi ? Pour la fitna. Pour semer le trouble. Pour semer la dissension, pour comploter, avoir un lieu de réunion, pour comploter, pour troubler les croyants, pour affaiblir l'islam et les musulmans, pour diviser les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Bref, c'est pas le verset que je voulais mentionner, c'est le verset 107. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, il y avait Masjid Quba. Eux ont construit Masjid Dirar pour rivaliser avec cette mosquée, pour tenter de tirer des gens vers eux, pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété, de division entre les croyants. Voici l'intention qu'Allah dévoile. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette mosquée? Pour semer le mal. Et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager. Et jure en disant, nous ne voulions que le bien. Cela, Allah atteste qu'il mente. Allah Azzawajal ensuite interdit au prophète alayhi salatu wasalam de prier dans cette mosquée. Parce qu'ils l'ont dit à Rasulallah, viens prier dans cette mosquée. Allah lui a dit, sur la traduction des sens, ne te tiens jamais dans cette mosquée. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier. Allah aime ceux qui se purifient. En faisant référence aux gens de la mosquée de Quba. Cette mosquée qui a été basée depuis le premier jour, édifiée depuis le premier jour sur la piété. Puis le prophète alayhi salatu wassalam est parti. Il a laissé Ali ibn Abi Talib à Médine en tant que responsable. Dans le recueil des Bukhari Muslim, Ali ibn Abi Talib a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ya Rasulallah, tu khalifuni fi nisa wa siya, tu me laisses à l'arrière avec les femmes et les enfants. Ali ibn Abi Talib, il voulait participer à cette razwa, à cette expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et il est qui vous connaissez dans la force et le courage et la piété. Et le rang par rapport au prophète alayhi salatu wassalam, son cousin. C'est son cousin, un des premiers à avoir cru en lui. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a rassuré, l'a tranquillisé et lui a dit, l'a consolé en lui disant, Ama tarban takuna minni bi manzilati Haruna min Musa. N'es-tu pas satisfait d'avoir comme place vis-à-vis de moi la même place qu'avait Haroun vis-à-vis de Moussa? C'est-à-dire lorsque Moussa alayhi salam est parti et que son Seigneur lui parla ou lui ordonna, Naam, il a laissé qui en tant que responsable pour Bani Israël? Il a laissé Haroun. Naam, il a laissé Haroun derrière lui. Puis il lui a dit, Illa Allah Nabiya Ba'di. La différence, c'est qu'il n'y a pas de prophète après moi. C'est-à-dire que Haroun, lui, était un prophète. Mais après le prophète Mohammed, il n'y aura pas de prophète. Parmi ceux qui ne sont pas partis dans un premier temps avec le prophète alayhi salatu wassalam dans cette expédition, il y a Abu Khaytama al-Ansari. C'est lui qui avait fait la sadaqa d'Ansar. Mais, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il n'a que tardé. Puis il a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam. En chemin, Umayr l'a rencontré. Puis ils se sont avancés et ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De loin, le prophète alayhi salatu wassalam a vu une personne. Puis il a dit, Kun Abu Khaytama. Sois Abu Khaytama. Il a espéré que ce soit Abu Khaytama. Et lorsqu'il s'est avancé, il a vu que c'était Abu Khaytama. Subhanallah. Quand il a vu une personne de loin, il a dit, comme si on avait dit en français, j'espère que c'est Abu Khaytama. Naam. Et en effet, ce fut Abu Khaytama. Dans le hadith de Ka'b ibn Malik, il y a la preuve que cela a eu lieu. Que cela a une base. Pareillement, parmi ceux qui ont tardé, il y a Abu Dharr, le célèbre compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Dharr radiallahu anhu. Sa monture affaiblie. Qu'est-ce qu'il a fait radiallahu anhu? Allahu Akbar, subhanallah. Savez-vous ce qu'a fait Abu Dharr lorsque sa monture affaiblie? Il l'a déchargée. Naam, il l'a déchargé et il a pris les provisions et les a mis sur son dos. Puis il est parti à pied. Dans cette grande chaleur, il a avancé. Radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani lorsqu'il les a rattrapés, il n'avait pas de monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Rahimallah Abu Dhar. Qu'Allah fasse miséricorde à Abu Dhar. Qu'Allah ait pitié de Abu Dhar. Yamshi wahda. Il marchera seul. Wa ya'ish wahda. Et il vivra seul. Wa yamut wahda. Et il mourra seul. Subhanallah. Vous imaginez la scène? Le prophète alayhi salatu wa sallam part dans cette expédition. Abu Dhar, sa monture, elle n'arrive pas. Il décharge ce qu'il y a sur sa monture. Il porte sur son dos et il suit le prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète dit Rahimallah Abu Dhar. Qu'Allah ait pitié de Abu Dhar. Il vivra seul ou il marchera seul. Il vivra seul et il mourra seul. Naam. Et ceci ou cela s'est concrétisé à quelle époque? Dites-moi. À quelle époque ceci s'est concrétisé? Wa hadha min a'lami an-nubuwwah. Ça fait partie des signes de la prophétie. Parce que ça s'est produit exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé. Naam. À quelle époque ceci s'est produit? Fi khalifati Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. À l'époque du califat de Uthman ibn Affan. Abu Dhar radiyallahu anhu a décidé de s'éloigner. Abu Dhar radiyallahu anhu a décidé de s'éloigner. Et il est parti vivre à Rabadah. Il est parti vivre à Rabadah. Et il a vécu dans cet endroit. Il a vécu dans cet endroit avec son épouse. Il y avait son servant. Et subhanallah, il est décédé comme ça, esselé. Et il leur avait fait des recommandations. Si je meurs, lavez-moi comme ceci, enterrez-moi comme cela. Et attendez des passants et demandez l'aide. Demandez-leur de l'aide pour m'enterrer. Subhanallah. Ça, c'est un sahabi du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un sahabi du prophète alayhi salatu wassalam qui a été témoin de la révélation. Regardez la place qu'il a chez Allah et regardez l'état dans lequel il a vécu, a marché et dans lequel il est décédé. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, certes Allah donne la dunya à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Mais il donne le digne que ceux à qui il a aimé. Subhanallah. Abu Dhar qui meurt dans cette situation, et tu trouves parmi les riches de Ahlul Dunya, ils décèdent, et tu vois Yahani qui les enterre avec des cercueils, avec du marbre, et avec des. Yahani, ils dépensent énormément. Et Abu Dhar, il ne trouve pas une personne pour l'enterrer. Subhanallah. Mais Allah est alimun hakimun latif. Mais Allah Azza wa Jalla est savant et sage de ce qu'il décrète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que sorte de l'Irak, un autre noble compagnon avec un groupe se dirigeant vers l'Amra. Et en chemin, il passe à cet endroit-là, Rabadah. Alors le jeune homme dit, ou bien le servant dit, aidez-moi, voici Abu Dhar, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est décédé, aidez-moi à l'enterrer. Et il se trouve que qui passe par là? Abu Mas'ud, le compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam. Quand il a entendu ça, il s'est arrêté et il s'est mis à pleurer. Puis il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Subhanallah, Abu Mas'ud avait entendu la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Tu marcheras seul, tu vivras seul et tu mourras seul. Puis ils ont creusé et ils ont enterré Abu Dhar radiallahu anhu. Et c'est rapporté dans différents recueils. Et c'est mentionné notamment dans le recueil d'Imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Ibn Kathir a dit que c'est une histoire célèbre. Que c'est une histoire célèbre. Combien, le point suivant, combien étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette expédition? Dans le recueil de l'imam muslim, Ka'b ibn Malik, lorsqu'il mentionne cela, nous dit, ils étaient très nombreux, plus de 10 000. Ils étaient très nombreux, plus de 10 000. D'autres savants ont dit, et la plupart des savants disent qu'ils étaient 30 000. qu'ils étaient 30 000. C'est la parole de la majorité des savants de l'histoire et des expéditions. Parole d'Ibn Ishaq, par exemple, rahimahullah, d'Ibn Sa'd et autres, Al-Waqidi et d'autres. Qu'en est-il de la version dans le recueil de l'imam Muslim? Ils étaient plus de 10 000. Certains savants expliquaient en disant, il n'y a pas de contradiction. Ils étaient plus de 10 000. Les 10 000, c'est les cavaliers. Et les 20 000, c'est les autres. Par exemple. Ok. À la Kulhel, il n'y a pas de contradiction. Ils étaient donc environ 30 000. Ils étaient donc environ 30 000. Fadala, comme l'a rapporté l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, nous dit, un des compagnons Fadala dit, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك فجهل بالظهر اي الدواب. Il nous dit, on était avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم à Tabouk et les dos ont été fatigués, épuisés. Les dos, c'est-à-dire les montures, les chevaux, les chameaux et ainsi de suite. Nous nous sommes donc plaints de cela au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu qu'on passe dans un passage resserré, l'espace qu'il y a entre deux montagnes. Vous voyez les chemins? Il a attendu qu'on passe dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il a attendu qu'il passe dans un chemin resserré, comme l'espace entre deux montagnes. Lorsqu'ils sont passés, il a fait dua pour eux et leur monture. Il a dit, Allahumma hamil alayha fi sabilik, innaka tahmilu ala al-qawi wa al-da'if, wa al-ratbi wa al-yabis fi al-bahri wa fi al-barri wa al-bahr. Donc il a invoqué Allah Azza wa Jal pour eux et leur monture. Et Allah Azza wa Jal l'a exaucé à un point tel qu'au retour, subhanallah, sur le chemin du retour, en se dirigeant vers le Médine, le sahabi dit que nos montures, se sont montrées rapides, au point de nous disputer les rênes. Vous voyez, lorsque la monture, elle est rapide et elle est forte, alors qu'auparavant, elles étaient très affaiblies. Donc ceci fait partie des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Tabouk. Arrivé à Tabouk, il a fait une khutbah. Il a mentionné qui sont les meilleurs d'entre eux, et qui sont les meilleurs des gens, et il a mentionné qui sont les pires des gens. À Tabouk, il y a eu une grande faim qui a touché les compagnons. Radiallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivé à Tabouk, a mis en garde les compagnons contre un vent qui allait venir et souffler fortement. Et il leur a dit que personne ne sorte. Et celui qui a avec lui sa monture ou son chameau, qu'il l'attache. Ils ont tous obéi au prophète alayhi salatu wa sallam, sauf un homme. Il est sorti cette nuit. Le vent l'a emporté jusqu'à la montagne Taï. Subhanallah. Il a désobéi au prophète alayhi salatu wa sallam, où il est sorti pour une raison ou une autre. Naam. Et le vent a emporté cet homme jusqu'où? Jabal Taï. Jusqu'à une montagne. Subhanallah. Et de cela, on voit les cons. Ça, c'est rapporté par le Bukhari Muslim. De cela, on voit les conséquences de ne pas répondre à l'appel d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète nous dit, ne faites pas cela, si on le fait, ça peut avoir des conséquences très graves. Il ne faut pas dire, oui mais j'étais énervé, oui mais c'est une petite chose, oui mais inshallah je le referai plus. Non, quand le prophète nous dit une chose, il faut obéir. Lorsqu'il nous ordonne une chose, il faut obéir. Lorsqu'il nous interdit une chose, il faut nous en éloigner. Ceci fait partie de ce qui découle de l'attestation de « Ashhadu anna Muhammadan » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu dis cette parole, j'atteste que Muhammad est le message d'Allah, tu dois croire en tous ses dires, tu dois obéir à ses ordres, tu dois délaisser les interdits, il nous a mentionné, et tu dois veiller à adorer Allah qu'en concordance avec sa sunna, pas avec les innovations, pas avec les voies nouvelles et innover, non, que comme le prophète alayhi salatu wasallam nous a enseigné. Celui qui vient, il te dit fais ça, ça c'est bien, fais cela, ça c'est bien, non, tu dois poser la question à une personne de la droiture, de la sunna, de la science, et lui dire on me demande de faire cela, est-ce que c'est un bien, est-ce que le prophète alayhi salatu wasallam l'a fait, est-ce qu'il nous a encouragé à cela, si oui tu le fais, sinon tu le délaisses, même si ce sont nos propres parents qui nous invitent à cela, même si ce sont nos bien-aimés et nos enseignants qui nous invitent à cela, si ça n'est pas en conformité avec la sunna, on délaisse cela. Allah dit dans le Coran وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le message d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc on voit la gravité, la dangerosité de contredire un ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ce qui s'est produit ou ce qui s'est passé dans les jours de Tabouk, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam est venu tardivement à la prière du Subh, est venu tardivement à la prière du Subh, car il était occupé dans une chose ou une autre, et il y avait avec lui Al-Mughira radiallahu anhu. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé auprès des musulmans, il les a trouvés en train de faire la salat du Fajr, la prière du Subh. Qui est-ce qui a présidé cette prière? Mani Alif, qui répond à cette question? Qui a fait l'imam pour les croyants? Qui est-ce qui a présidé cette prière? Endaman, qui est-ce qui répond? Naam? Abu Bakr? Non. Man, tu sais c'est qui? Othman? Non. Comment tu t'appelles toi? Issa? Tu sais c'était qui Issa alayhi salam? MashaAllah, c'est un prophète alayhi salam. T'as quel âge Issa? 5 ans? Hafidak Allah, sallallahu yubarik afik Issa. Donc non, Issa ça n'était pas Othman. Et maintenant qu'on a déjà mentionné, à la kulli hal, pour avancer rapidement, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est entré dans la prière. Quand Abdurrahman ibn Auf a fini la prière avec les croyants, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est relevé et il a complété une raka'a. Naam. Celui qui rentre avec l'imam dans la prière et qui a manqué une unité de prière, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint avec l'imam l'inclinaison, il arrive et il entend l'imam dire Semi Allahu liman hamida, ou après cela encore il n'a pas eu le temps de s'incliner avec l'imam, non, ou bien il a entendu l'imam dire Semi Allah, il commence le signe de Semi Allah. À ce moment-là, nous disons qu'il n'a pas eu cette raka'a. C'est comme ça qu'on comptabilise. Que devra-t-il faire à la fin de la prière? Il ne fait pas le taslim avec l'imam. Quand l'imam dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah », il attend. Il dit une deuxième fois à gauche, et c'est qu'à ce moment-là qu'il peut se lever. Pas avant. Ça n'est qu'à ce moment-là. Après les deux taslims, il se lève. Lui, il ne fait pas le taslim. Il se lève. Et il complète sa prière. Si c'est le Dhuhr par exemple, ou on va dire c'est le Maghrib, il en a eu deux, ben maintenant il fait la troisième à voix basse. Il complète. En mafatakum fa'atimu, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ce que vous avez manqué, complétez-le. Donc c'est la dernière. C'est pas la première que tu rattrapes, c'est la dernière que tu complètes. Le prophète alayhi salatu wassalam a complété. Quand les croyants ont vu le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit subhanallah, subhanallah, ils ont été mal. Pourquoi? Ils se sont dit on a devancé le prophète alayhi salatu wassalam. Mais à la fin le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit vous avez bien agi. Il les a tranquillisés et il leur a dit vous avez bien agi. Ahsantum. Naam, il leur a dit vous avez bien agi. Qad ahsantum. Ou une parole semblable. Combien de temps sont restés les musulmans à Tabouk? combien de temps sont restés les musulmans à table. Ils sont restés, radiallahu anhum, 20 laylatan. Ils sont restés 20 nuits, yani 20 jours. Ils sont restés 20 nuits, comme dans le hadith de Jabir. Et durant ces 20 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-qasr. Na'am, kan yuqassiru salah. Il priait le dhuhr 2 unités, le asr 2 unités, l'isha 2 unités. Na'am, durant tout son voyage, il a fait donc al-qasr. Ça, c'est le hadith de Jabir, dans le recueil d'Ibn Hibban. Quant à al-jam', ça, c'est dans le hadith de Mu'adh. Il a aussi joint entre eux le dhuhr et l'asr, ainsi que le maghrib et l'isha. Dans le cas de l'imam muslim, Mu'adh radiallahu anhu nous dit: Jama'a nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna al-dhuhr wal-asr wal-maghrib wal-isha. Mu'adh radiallahu anhu fut questionné: pourquoi le prophète sallam a fait cela? Sur la sagesse de cela. Yani, ma hamalahu ala dhalik. Qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça? Mu'adh radiallahu anhu a répondu: aradan la yuhrija ummatah. Il a voulu ne pas mettre sa communauté dans la gêne. Il a voulu ne pas mettre sa communauté dans la gêne. Et ça, c'est une des nombreuses histoires qui nous montrent la douceur, la pitié, la rahma, la facilité de cet islam et la mansuétude du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il choisissait pour ses compagnons, pour lui-même, la facilité, tant que ça ne comportait pas de péché. Pendant ces 20 nuits, les Romains ne sont pas sortis à la rencontre du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que certains parmi les savants disaient: c'est une victoire du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne sont pas venus défier le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne sont pas venus à sa rencontre. Et il est resté 20 nuits à Tabouk et il n'a pas rencontré, donc il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de combat, et il est retourné à Médine. Sur le chemin du retour, il y a eu plusieurs événements. Parmi ces événements, ils sont passés à Al-Hijr. C'est l'endroit de quel peuple, Al-Hijr? Quel peuple a été détruit et décimé? Naam, Thamoud. Naam, c'est le peuple de Thamoud qui était Al-Hijr. Ils sont donc passés par cet endroit. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, comme c'est rapporté par le Bukhari et Muslim: la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum. N'entrez pas dans les demeures de ceux qui se sont montrés injustes envers leur propre personne. An yusibakum ma asabahum. De peur que ne vous touche ce qui les a touchés. Illa an takuna bakin. Si ce n'est pour celui qui entrera en pleurant. N'entrez pas dans ces demeures, sauf celui qui entrera en pleurant, ثم قنع رأسه وسرع السير حتى أجاز الوادي. Le prophète sallam s'est couvert la tête et a accéléré le pas jusqu'à dépasser la vallée. Un autre événement qui a eu lieu durant leur retour, c'est que les hypocrites ont tenté d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, pour que vous sachiez l'ingratitude de Ibn Adam, de certains parmi Ibn Adam, Allah azzawajal envoie la meilleure de ses créatures pour faire sortir des gens des ténèbres vers la lumière, pour les inviter au tawhid, à la meilleure parole, la ilaha illallah, pour qu'ils entrent au paradis et obtiennent l'agrément d'Allah dans ce bas monde, puis un paradis vaste comme les cieux et la terre dans l'au-delà. Et eux, ils tentent de faire quoi? D'éteindre cette lumière et d'assassiner leur prophète. Ils tentent d'éteindre cette lumière et d'assassiner le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Walakin Allah sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala secourt ses serviteurs croyants, secourt ses awliya, défend ses bien-aimés et leur accorde son secours subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux qui n'ont pas participé à la bataille à la Ghazwat Tabouk, il y a Ka'b ibn Malik. Il y a Ka'b ibn Malik. C'est le plus célèbre de ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Tabouk. Et avec lui, ses deux compagnons. Avec lui, ses deux compagnons. Et en réalité, donc ce hadith dans le Bukhari Muslim est très connu. En réalité, Ka'b ibn Malik n'avait pas l'intention de ne pas participer à cette expédition. Mais il s'est donné le temps. Et à force de tarder, le prophète sallam avait parcouru une certaine distance. Puis il a regretté profondément et s'est repenti d'un repentir sincère. À un point tel qu'Allah Azza wa Jal a fait ses éloges dans le Coran et a mentionné cette histoire dans le Coran. Et on la mentionnera, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. هذا والله أعلم وصلى الله وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله تعالى semaine prochaine finira l'histoire de Tabouk qui on racontera la magnifique histoire de Ka'b ibn Malik et de ses deux nobles compagnons, cette histoire très émouvante. رضي الله عنهم والحمد لله رب العالمين. Plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour savoir concernant la khutbah, ça à quelle heure et si je la faisais ou pas. Comme j'ai déjà dit, la khutbah, l'heure d'été c'est 14h et l'heure d'hiver c'est 13h05. L'heure d'été c'est 14h et l'heure d'hiver c'est 13h05. Donc c'est à 14h. Et j'ai déjà dit que le deuxième vendredi du mois, je ne faisais pas la khutbah ici. Celui qui veut être informé et recevoir les messages dans les groupes WhatsApp, il me donne son numéro avec son nom et sa ville et il recevra chaque jeudi soir ou vendredi le message au sujet de la khutbah et du cours et les autres annonces. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.